le christianisme uniquement à l'Inquisition. Donc, si vous voulez, effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'islam en général. Il faut peut-être plus parler des musulmans, des pays distincts et de ce qu'ils font de la religion et reconnaître que depuis 36 ans maintenant, 35-36 ans, il y a un chambardement issu de cette révolution avec toutes les ondes qui lui sont associées. Mais une fois de plus, comment le définir ? C'est quoi ? C'est une crise ? C'est un passage par un tunnel obscurantiste ? C'est l'absence justement de scientifiques et de philosophes ? Ou vous diriez autre chose, Ali Ben Mahlouf ? Je dirais que l'éclipse de la pensée philosophique ne fait pas de bien, ça c'est sûr. Et que plus que jamais, on a besoin d'aller vers la connaissance. Moi, si vous voulez, c'est mon seul combat. Ça fait 31 ans que j'enseigne, 31 ans que je prends mon bâton d'enseignant, si je puis dire. Je ne dis pas bâton de pèlerin pour ne pas jouer sur les mots, mais je crois pleinement à la transmission. Je crois à la détente et à la décrispation que donne le débat. Et je crois qu'effectivement, la croyance, la foi, les comparaisons entre les religions, on décrispe beaucoup par comparaison, eh bien, ça, c'est toujours utile. Montaigne, en son temps, il disait « Regardez un mahométan, regardez un païen, nous sommes toujours en dessous », parce qu'il avait en tête les crimes chrétiens qui ont décimé un continent par la colonisation espagnole, l'Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'Amérique du Sud, et il avait en tête les guerres de religion protestant-catholiques. Donc, si vous voulez, à quel moment vous prenez un phénomène pour l'analyser, quand vous êtes complètement dans le temps, quand vous êtes complètement dans la connaissance historique, eh bien, vous ne surévaluez pas les violences de votre présent. Les philosophes arabes face au dogmatisme religieux, c'est notre série de la semaine. On se retrouve demain, Ali Ben Mahlouf. Et demain, on parlera d'Averroès. Exactement, merci. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, édité chez Albin Michel, « Pourquoi lire les philosophes arabes ? L'héritage oublié ». À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Mercredi, jour des sorties cinéma, et en ce mercredi 18 février, on peut voir Max et Lini, premier long métrage de Fred Nicolas, coécrit avec François Bégodeau. Tous les deux sont mes invités ce matin. Car nous sommes sur France Culture, sinon ailleurs j'aurais peut-être eu la chance d'avoir les deux interprètes du film, c'est-à-dire la rappeuse Camélia Pandore et Gisca Calvanda. Mais bon, on est là et je suis très heureux de vous avoir. Fred Nicolas, bonjour. François Bégodeau, bonjour. Bonjour. Alors, bon, la rappeuse d'origine maghrébine est un cas social. Son amie congolaise, son papier est belle comme une promesse socialiste. Ça se passe dans des quartiers difficiles de Marseille. Il y a des trafics de drogue, de la violence, de la misère, des agents de la DAS et des flics qui font ce qu'ils peuvent. Comment parler de votre film sur le noyer avec les mots de la catégorie film de banlieue ? Bah, parce que c'est d'abord une histoire d'humanité, quoi. Voilà, moi j'ai cherché à voir ce qu'il y avait comme douceur, comme poésie derrière les façades de béton, derrière des territoires complètement délaissés, abandonnés. Voilà, des gens qui... Et puis une histoire de quotidien aussi, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner ce premier film ? C'est... disons un moment difficile de ma vie, voilà, que j'ai voulu raconter, une histoire d'amitié fulgurante, voilà, et l'écriture m'a permis d'exorciser un moment difficile de ma vie, tout simplement. Ouais, mais pourquoi ce milieu social ? Pourquoi Marseille ? Marseille, c'est ma ville, c'est ma ville intime. Moi, j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Vous êtes né ? Vous avez vécu dans les quartiers nord ? Ouais, j'ai habité une année dans les quartiers nord avec ma mère, qui était institut sur place. Voilà, j'en ai quelques souvenirs lointains, puisque c'était le milieu des années 80. D'ailleurs, c'était pas les mêmes quartiers à l'époque. Ça a bien changé, mais... Voilà, c'est ma vie intime. Il y a aussi le fait que Marseille, c'est tout un univers, quoi. Marseille, ça offre beaucoup de choses. Marseille, c'est bon, bien sûr, c'est quartier délaissé, là où se passe une partie de l'histoire, mais c'est aussi le grand air, c'est aussi des criques ensoleillés, c'est aussi le vent, la mer, le soleil. Et donc, Marseille offre beaucoup de possibilités et offrait la possibilité de raconter une histoire, un film d'aventure presque, avec un parcours de personnages qui vont vers l'inconnu. Un parcours semé de difficultés, mais qu'elle surmonte à chaque fois, quoi. C'est important que le rap soit présent, qu'une des protagonistes soit rappeuse et... Ce qui était important, c'est pas tellement le rap, c'est le fait que c'est une nana qui a pas les clés pour s'exprimer et qui s'exprime que par des textes qu'elle garde pour elle, finalement, qu'elle... toute sa détresse, toutes ses difficultés, elle les couche sur papier à travers des mots. Et c'est la seule manière qu'elle a pour parler d'elle. Et Max, la rencontre avec Max lui permet d'assumer ça, d'accepter ça, peut-être de le comprendre et de le réaliser, quoi, après, puisque ces mots, elle va les rapper sur des instrumentaux. Comment avez-vous travaillé avec François Bégodeau? François Bégodeau, comment êtes-vous arrivé à travailler avec Fred Nicolas? C'est quoi l'histoire de la rencontre? Moi, j'ai sollicité François, bien sûr. J'avais été touché, plus que touché, quoi, par Entre les murs. D'abord le livre, ouais. Le film m'avait interpellé. Moi, je suis fils d'institutrice, comme je l'ai dit. J'étais passionné par cette histoire de ce prof qui essaye de transmettre sa passion, quoi. Voilà. Et j'ai reconnu plein de choses dedans. Et donc, je me suis débrouillé pour trouver le numéro de François et je l'ai appelé au culot. Et j'ai rencontré quelqu'un de très généreux qui a accepté de travailler avec moi, quoi. Et pourquoi avez-vous accepté de travailler avec Fred Nicolas, François Bégodeau? D'abord pour lui, parce qu'il m'a bien plu. J'ai tout de suite vu que c'était un chouette mec, ce qui s'est confirmé. Il avait écrit une trame qui m'intéressait beaucoup. Et moi, j'ai essayé de me mettre au service de ce que j'avais cru comprendre de ce qu'était son projet. Je n'ai pas essayé de plaquer des choses à moi là-dedans. J'essaie juste de comprendre quelle était sa sensibilité et comment faire en sorte qu'elle s'exprime au mieux et qu'elle produise le film le plus intéressant par rapport à ce qu'était son projet. C'était... Comment vous êtes projeté, vous, le Nantais parisien, dans le Marseille des quartiers nord? C'est vraiment un milieu que je ne connais absolument pas, mais c'est très intéressant. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles il m'arrive de faire comme ça des petits travaux en périphérie de mon travail d'écrivain. Parce que justement, ça me porte dans des lieux et des imaginaires qui ne sont pas forcément les miens. Et les quartiers nord de Marseille, j'en avais une connaissance très, très approximative, en gros médiatique, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je pense que c'est d'ailleurs une des belles découvertes du film, c'est-à-dire qu'on voit les quartiers nord sous un autre angle. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on les voit sous un angle plus sympa. Non, non. C'est pas forcément le contrepoint, genre on nous dit que c'est pourri, exactement, en fait ça l'est pas. Bon. C'est juste d'autres angles géographiques et urbanistiques. Moi, j'ai vraiment découvert ça en voyant le film. Est-ce que votre culture hip-hop à l'un et à l'autre a servi aussi pour l'écriture de ce film? Parce qu'effectivement, on peut dire que ça rentre dans le cadre d'un genre à part entière, le genre de hip-hop. On peut même faire la comparaison entre la rappeuse Camélia Pandor et Eminem dans le film 8 Miles. Est-ce que ça a été très important pour vous de rentrer dans un genre et d'avoir au bout quand même un public qui soit de cette culture-là? Moi, je ne sais pas si je pourrais me prévaloir d'avoir une culture hip-hop. Il se trouve qu'en revanche, le hip-hop m'a toujours intéressé. Ça, c'est sûr que... Un petit peu de l'extérieur aussi, parce que c'est pareil. Aussi vrai que je suis nantais, je suis plutôt quelqu'un qui suis centré sur le rock et le punk rock. Mais le rap m'a toujours intéressé en tant que déjà musique qui est une émanation des quartiers populaires. Ouais. Je veux dire, ça c'est passionnant. Oui, ça donne naissance à un genre de film. Hein, que... Oui, c'est vrai. Après, je pense que Max Eleni n'est pas du tout un film rap. Pas du tout. Il se trouve que c'est un film où l'héroïne trouve dans le rap matière à exprimer un certain nombre de choses. Mais finalement, comme l'a dit Fred tout à l'heure, ça aurait pu être une autre musique. Oui, c'est ça. Et puis le hip-hop véhicule quelque part des valeurs assez, assez nobles. Quoi. Donc ça, c'est peut-être un cliché de le dire, mais... Voilà, il y a quelque chose de partage et de créativité, d'inventivité dans le hip-hop, moi, qui me plaisait, quoi. Mais encore une fois, c'est pas un film sur le rap. C'est-à-dire que le rap n'est qu'un vecteur pour le personnage principal, pour Lenny. pour parler d'elle. Et dans le film, plus que des chansons de rap, je dirais que les moments où elle rappe, c'est le moment où elle vide son sac, quoi. Voilà, où elle met ses tripes sur la table, où elle parle d'elle pour les quelques rares fois, finalement. Voilà, c'est ça. Mais qui est Camélia Pandore ? Parce qu'elle a une histoire, une certaine notoriété dans cette scène, parce que pour moi, c'était une découverte. Camélia, c'est... elle a débuté, entre guillemets, il y a peut-être 3 ans. Mmh. C'est la nouvelle génération. Voilà, hein. C'est la nouvelle génération, absolument. Camélia, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas sur les ondes, qu'on ne voit pas à la télé, parce qu'elle a un univers... C'était important pour vous de prendre justement quelqu'un de l'underground C'était important parce que j'avais envie de raconter une histoire avec quelqu'un qui n'était pas connu, quoi. Pour moi, c'était plus évident et c'était plus facile. Et je pense que ça... c'était plus touchant de raconter l'histoire de quelqu'un très, très frais et tout neuf. Et il y a aussi là-dedans des désirs de cinéma, c'est-à-dire de proposer des acteurs de demain, quoi, de proposer une nouvelle génération, aussi bien en musique que... On terminera l'interview en écoutant justement un extrait du rap de Camélia Pandore. Comment ça s'est passé, le tournage du film, Fred Nicolas ? Ça s'est passé extrêmement bien. On a fait ce qu'il fallait pour, c'est-à-dire qu'on a... Alors, il y a d'abord une idée reçue. Hein. Quand on tourne un film à Marseille, généralement, on dit qu'on paye des jeunes pour ne pas casser le matériel, qu'on introduit beaucoup plus de sécurité, c'est vrai, vous l'avez vécu, ou en tant qu'enfant de Marseille, vous pouvez justement faire exploser ce lieu commun. Alors, nous, on n'a eu aucun problème. On n'a payé absolument personne. Moi, je suis allé tous les jours dans ces quartiers. J'y restais un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Je fumais une clope, je parlais aux gens, je disais bonjour. Je me suis beaucoup montré. Voilà, j'ai expliqué ma démarche. Et je pense que quand les habitants ont vu que, effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste l'humanité, quoi, juste les gens derrière les murs. On a été très très bien accueillis, quoi, vraiment. En plus, il y a pas mal des gamins de la cité qui jouent dans le film, quoi. Voilà, les copains du frère de Lenny ou d'autres, c'est des habitants du quartier. Donc on les a impliqués au film. C'était la condition sine qua non ? Moi je crois, ouais. Mmh. Je crois. C'est pas plus mal, non ? Ouais, ben c'est très bien, absolument, c'est très bien. Il y a une fraîcheur et quelque chose de juste, voilà, qui sort du film. Mais on commence une tournée, ça fait déjà une dizaine de projections, une dizaine de villes qu'on a fait. Pour vous, c'est important, Fred Nicolas ? Bien sûr que c'est important. C'est-à-dire que vous êtes cinéaste, militant, ouais. Il faut le dire. Oui, je suis cinéaste militant. Il faut que j'accompagne mon film. Il faut que mon film soulève des questions. Voilà. Et d'ailleurs, à chaque projection, il y a un débat qui est toujours très, très animé, très vivant et très sympa, quoi. Je pense que les gens aussi en ont marre, finalement, qu'on parle de Kalachnikov et de religion ou je ne sais quoi, voilà. Le film ramène à des préoccupations de tous les jours qui sont des choses vitales pour les gens, quoi. Ah ben, il parle de la misère d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr, qui concerne beaucoup de gens. Un film à voir, il sort aujourd'hui, Max et Lenny, donc de Fred Nicolas, c'est votre premier film. C'est mon premier long-métrage, oui. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Merci à vous. Merci François Bigoudou, vous avez co-écrit avec Fred Nicolas le scénario de ce film. Nous, on se voit bientôt, puisque vous sortez un livre, La Politesse. Avec plaisir. On se voit pour le Salon du Livre, par exemple. Passez une bonne journée dans un instant, les matins de France Culture avec Marc Manchet. J'ai le cœur serré, la gorge nouée et l'estomac ulcéré. À force de j'en oublie la réalité que je sais plus gérer. Le bonheur qui s'équilibre, je ressens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes, j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette fille libre. Dans la passe, tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère voit que t'es instable. Et tu subis la vie au lieu de te taper.